J'ai vu la vie me sourire, même me donner des torts. Où ma santé a pris des coups de rime, les gifles, les coups du sort à bord de ce navire. Où la stabilité est critique, car il ne fait que chavirer sans possibilité de s'en sortir. Avec peu de moyens qu'on nous donne la chance de vouloir que soit les études pour s'inscrire ou le piste pour pouvoir survivre. Issu de la corde au cou n'est pas une très bonne thérapie, mais ça se banalise parce que les gens pensent que ça les rend libres. Car chez nous les coups se mangent comme ce putain de père assis. Le partage est devenu une obligation, une leçon de vie. Car si tu penses qu'à ta gueule la chaîne se casse, tes frères sont meurtris. J'ai pensé à dire à mes pensées que ceci est insensé. Comme associer la police avec les jeunes du quartier, c'est pas cohérent. C'est comme dans le rap, je voudrais sortir des rangs, adhérer, non errer dans les rues comme un chien errant. Revenir à des choses sensées comme autant des francs. Je sors une rime sucrée de temps en temps, mais plus souvent je tape dans les flancs, voire même plus casser des jambes. Me prendre pour ce bélier, de foncer dans ces agents, de me voir rouler en belle caisse. Oui, je sais que c'est rageant. Me fait plaisir avec le peu d'argent que j'ai. C'est comme la roulette russe, j'aime flirter avec le danger. On vit au jour le jour et beaucoup pensent que j'ai tout dépensé. D'autres keufs ont même eu d'arrière-pensée. Sûr de penser nos plaies quand on plaît à personne. Qu'on nous ramasse comme ces feuilles mortes, comme au temps de l'automne. On jette tous un regard de méfiance en leur égard, car les choses promises sont devenues des engagements qui tardent. Depuis que je suis petit, vous me donne l'allergie. Juste à en parler, j'en perds des mots et j'en perds d'énergie. Au chromis, je me lâche et les nerfs jaillissent du plus profond de mon âme. La seule parole, mon arme, vide mes pensées avec les mots, trouve une harmonie. Trop veut nous harponner, manque de monnaie, reprendre ce que l'État nous a volé. Pour se nourrir, faut s'abonner. Pour avoir un peu de fric, faut saboter, charbonner. Parce que t'es pas dans l'histoire du chaboté. Pour avoir les contacts, faut s'aborder les bonnes personnes et sache que personne n'est bon. Souvent, je pense à me présenter aux flics, amorcer la bombe. C'est là que tu vois que tous tes potes moisis avec le temps. Ils voient que tu t'en sors et meurs de jalousie maintenant. Ils veulent te voir mort comme John Abruzzi d'antan. Tous sont le cœur noirci par la haine. Je veux voir tous les vrais criminels niquent sa mère, une mère comme dans la haine. La vérité sort de la bouche de personne, y'a rien de sain. Ceux qui cherchent à savoir qui je suis, mon nom et personne, c'est simple. Je m'avance dans le rap avec 2-3 persos. La vie est dure comme du béton pur et se raconte pas au pinceau. Je prépare mes quelques lignes avec une pincette et je rajoute une touche d'animosité pour pas qu'on m'écrase comme un insecte. Et je fais pas partie d'une secte et j'ai pas le pouvoir d'une celte. Et trop pense que dans le rap il y a que des saletés, des sales têtes qui passent pas à la télé. Mais je veux devoir les épater, même si télé, mon devoir c'est de changer la vie au spectateur TV. Le cœur s'adoucisse et quand on me regarde travers mes poings durcissent. Passe autant qu'ils se défilent, on se fait ascendant de même des filles. On marche toujours sur un fil et même les filles sont indignes. Pendant qu'on jette l'angle pour réussir, je me faufile entre les lignes, entre les livres et je vis mon avenir. Mécontent à chaque page de mon recueil, y'a trop de temps qu'à la tâche on recule. Pendant que les sarcos vicieux profonds nous enculent, certains ferment les yeux, bien trop sont crédules. On commence par le feu, puis ça va chier les bulles. Écoute, ça c'est mieux, du gros son des boules, du gros son vénère, casse sur tous les boules. Marre de ces gros bouffes qui traînent au PMU et qui de phrases qui mauvent sont trop vite émus. A trop gros déficit dans ce qu'on nous prend et ce qu'on nous donne. A force d'aveuglement, c'est clair qu'on se condamne. On les laisse tranquillement étouffer leur scandale. Le trésor public est aux mains d'une bande de pirates. Pire que Rothschild ou Chirac, les poches remplies quand c'est toujours les mêmes Chirac. Ouais. On vole sur nos terres comme les Ricains en Irak. On essaie de nous faire taire, mais t'inquiète, y'a Fucky qui rappe. Tous les jours c'est pareil, à la même heure sonne le réveil. Un nouveau jour se lève, enfin une pâle copie de la veille. Les voitures enfument la ville, les gens vivent dans l'urgence. Le temps c'est de l'argent, les aiguilles t'as mon rythme, ta vie, t'as vu. Dans ce monde bétonné, c'est cerveau lobotomisé. Humain motorisé, travail à la chaîne robotisée. Un peuple moutonné, abonné à la monotonie. Manipulé par la télé, la vérité devient mythomanie. Un putain de mélomane, quand commence la mélodie. Mon cerveau s'illumine, la vérité éclate quand je mets la mine. Du stylo sur les carreaux, cerveau en voyage interstellaire. Mon quotidien prisonnier, je m'évade, mon texte il est barreau. Je vais pas pouvoir me parer, loin de ce monde de taré. Le mouton devient loup et sans pitié dévore le berger. Déjà 21 berges dans ce monde de barjeux. Envie de bouger, faire ses bagages, l'impression d'être en cage. Ma liberté coule dans mon bic, fais vite mes idées dans le mic. Ma haine contre le fric, les flics, je chante mon quart de siècle. Mon quotidien de shot, ma vie devenue spirale. La pyramide sociale qui me fout la haine est comme un spartiate. La pression se fait sentir, regarde ce qui nous entoure. Les hommes viennent vautour, prêts à te péter pour un centime. Je suis d'humeur incendiaire, du mal à s'endormir. Effrite mon semeur, écrase ma rage dans un sandar.